Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être au naturel avec les secrets de Mathilde. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30. L'automne est arrivé et en faveur de ce changement de saison très puissant, je vais vous partager un message d'Alex Miles, une professeure de yoga et de méditation qualifiée, maître Reiki, coach spirituel et auteur d'un livre récemment publié qui explique divers aspects de l'existence en tant que personne hautement sensible. Inspirée et influencée par Carl Jung, Nikola Tesla et Paulo Coelho, elle aspire à découvrir beaucoup de réponses qui semblent avoir été cachées ou oubliées dans le monde d'aujourd'hui. Ceux qui sont très sensibles aux énergies auront ressenti l'impact de ces événements ces derniers jours. Le week-end dernier, une tempête solaire du niveau G1, l'équinoxe d'automne, marque le moment où le soleil passe directement sur l'équateur. Puis la pleine lune des moissons, incroyablement puissante. La magnétosphère, protectrice de la Terre, nous protège normalement de certaines énergies. Mais au cours de l'équinoxe, elle est affaiblie par les fissures qui se forment actuellement. Ces fissures ouvrent des portails qui permettent à l'énergie hautement vibratoire de l'univers de pénétrer et d'influer directement sur les particules énergétiques de la Terre, y compris tous les êtres vivants. Nous avons donc été beaucoup plus sensibles aux impacts des tempêtes solaires et de cette puissante énergie lunaire. Les tempêtes solaires nous réveillent au niveau cellulaire et actualisent notre ADN ainsi que notre conscience. Notre intuition sera forte, les illusions disparaîtront et la conscience augmentera. Nous pouvons remarquer des moments de fatigue extrême, d'anxiété, de synchronicité, de déjà-vu, d'émotions intenses, d'incapacité à dormir, le sentiment que nos cellules vivent rapidement, la tête qui tourne, les oreilles qui sifflent, les rêves ou les cauchemars. C'est la manière dont notre système purge et traite les vieux souvenirs et les émotions non guéries. De sorte que nous pouvons nous élever au-delà de notre douleur et maintenir un état d'harmonie et d'équilibre. En raison de la façon dont cette pleine lune tourne autour de la Terre, elle restera haute et brillera dans le ciel sombre pendant plusieurs nuits. Alors, l'énergie lunaire restera très chargée pendant de nombreux jours à venir. Ces événements solaires et célestes produisent des ondes énergétiques explosives et transformatrices, provoquant des avancées majeures, des changements spectaculaires et la concrétisation des manifestations auxquelles nous avons durement travaillé. Les intentions que nous avons établies au printemps de cette année peuvent maintenant être récoltées et sont prêtes à être réclamées. Nous pouvons à présent nous concentrer sur la création de nouveaux départs plutôt que sur l'élimination des entités stagnantes de notre passé. Nous nous sentons chargés électriquement et magnétiquement et pour beaucoup d'entre nous, cette semaine a été intense avec un mélange éclectique d'émotions ressenties à l'extrême, ainsi que le sommeil et notre routine désynchronisée. En raison de la force de cette énergie céleste, nous saurons peut-être plus ce qu'il en est et si nous sommes sur la bonne voie pour l'avenir ou si nous faisons aveuglément des pas en arrière vers le passé. La bonne nouvelle est que tout est sur le point de changer, de manière importante. Tout ce que nous espérions réaliser ou tout ce que nous essayons d'intégrer dans notre vie est maintenant à notre portée. Nous n'allons plus nous en sortir avec le confort des routes familières déjà toutes tracées. Nous devons faire les premiers pas pour vibrer à un niveau plus élevé et plus satisfaisant. Même si nous essayons d'ignorer et de nier que nos vies ont besoin d'une grande révision, il y a une petite sensation irritante à l'intérieur qui refuse de partir et qui nous pousse vers l'inconnu, qui semblera parfois un peu obscur. Cependant, il n'y a rien à craindre. Nous sommes en train de nous ouvrir à des possibilités que nous n'avons peut-être pas envisagées sérieusement auparavant. Au cours des prochains jours, il est essentiel de se rappeler que les joutes se déroulent uniquement dans les limites de notre esprit et de la manière dont nous choisissons de percevoir les choses. C'est toujours notre choix de nous engager dans des batailles ou de nous retirer avec grâce. Les symptômes que vous avez pu ressentir durant ce changement d'énergie, ça peut être des maux de tête, se sentir mal ou déséquilibré, l'esprit confus, oubli, perte temporairement des mots, émotionnel larmoyant, très sensible, intuition accrue, difficulté de s'adapter au temps, remarquer des synchronicités, des rêves intenses ou des cauchemars, une peau irritable qui démange, problème de communication, d'arguments et de désaccords. Ce que vous pouvez faire, c'est boire de l'eau filtrée pour éliminer. Prenez des bains d'eau salée, méditez et restez conscient des pensées ou des sentiments récurrents. Évitez la caféine et l'alcool. Consommez des aliments très vibratoires tels que les fruits et les légumes. Respirez profondément, passez du temps seul et avec la nature si possible. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment ressenti toute cette énergie assez troublante, qui incarne un changement de cycle. Laissez-vous guider par votre intuition, si vous souhaitez changer des choses dans votre vie, foncez, c'est le moment. L'automne est une de mes saisons préférées en raison de l'énergie qui l'accompagne. Gardez ce qui vaut la peine d'être gardé, et avec le souffle de la gentillesse, soufflez le reste. C'était l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Pour des conseils personnalisés et un accompagnement global en naturopathie, n'hésitez pas à me contacter depuis mon site internet www.lessecretsdemathilde.com. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.